Que pensez-vous être un homme dangereux? J'ai toujours deux grenades et une arme sur moi. Si dans trois secondes j'entends crier police à la porte, je dois avoir mon calibre à portée de la main. C'est mon assurance vie. Vivez-vous maintenant comme un homme traqué dans un climat de perpétuelle alerte? À l'endroit où j'étais mort. La chasse est ouverte, elle ne se ferma pas. Si la police vient vous arrêter, accepterez-vous de vous rendre? Je ne me rendrai jamais. On a les nerfs à vif, on a les nerfs à vif, on a les nerfs, on a les nerfs, on a les nerfs à vif, on a les nerfs, on a les nerfs, on a les nerfs à vif. C'est pas encore demain que l'on enterre la calage de guerre, l'homme toujours aussi animal depuis l'âge de pierre. J'ai les nerfs, je crache ma glaire, hostile et austère, je danse avec les loups comme Kevin Costner. Diffusion de grosse merde, si seulement la TNT pouvait faire péter ma télé. En tubé, j'enverrais bien mon patron aller se faire enculer. Travailler plus pour gagner 3 radis, consommateur à crédit, toute une vie qui sent la pisse, à cotiser pour payer ton trou et ta fin de vie à l'hospice. Voilà pourquoi j'ai les nerfs à vif, contestataire à vie, juste une feuille, un stylo, pas besoin de thérapie. Confiance aux politiques, c'est problématique, c'est comme jouer à la roulette russe avec un automatique depuis l'euro. Le pays se paxe avec la surtaxe, insociable, incivique, le type des gens mais reste sur l'axe. Pour mieux prendre la tangente, reste relax. Même si j'ai les nerfs, des soucis qui me hantent, l'illicite qui me tente. Voici mon silence que j'écris et que je chante. Voici mon silence que j'écris et que je chante. On a les nerfs à vif, à vif, à vif, à vif. On a les nerfs à vif. Bousculé sans cesse dans cette vie, j'ai les nerfs à vif. Je reste actif sans terrorisme, les horreurs, la terreur qui nous gifle, nos démons qui nous kiffent. Que se passe-t-il? C'est la crise. Regarde la joie qui devient fictive dans trop de familles, tant d'autres qui crient. Même ici famine, la justice, injustice, ça fatigue. Je réanime ma rime pour que leur bêtise brille. J'esquive quand je peux, je sévis si je veux. Je dénonce et balance sur ce monde immonde, sont ces merdes. Nerveux, à l'ancienne, je me rappelle, embrouillard pâle 2. Dans la caisse, le nerf de peu. Loin des places, des as, je fais face au désastre. Un champ qui dévaste quand les as nous dévasent. Et ouais, je suis touché au plus profond de moi. Tu sais quoi, j'aimerais tout brûler. Parfois loin, je sens ce malaise qui nous ronge ces derniers mois. Le mal nous met en émoi, et moi mes nerfs renvoient tout ce que j'ai en moi. Un système, langue de bois, que ma voix leur rapporte nos. On a les nerfs à vif, on a les nerfs, on a les nerfs à vif, à vif, à vif, à vif, on a les nerfs à vif. Les lois, les flics, l'injustice, les politiques, le terrorisme, ça met les nerfs. Les taxes, la précarité, le chômage, les bourgeois, les patrons, ça met les nerfs. Les cons, les conflits, les salopes, l'hypocrisie, l'indifférence, ça met les nerfs. Le racisme, l'ignorance, le système, le temps, l'argent, ça met les nerfs. On a les nerfs à